Chers auditeurs, bienvenue. Je suis Thomas Carazo, animateur de la toute nouvelle émission Historia sur Radio Fadjet. Historia Nancy, qu'est-ce que c'est ? C'est le premier journal par et pour les étudiants du campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy. Je suis justement accompagné aujourd'hui de Diane Castel, étudiante sur le campus Lettres. Diane, comment vas-tu ? Ça va, je te remercie. Et toi Thomas, ça va ? Ça va très bien, merci pour cette question. Et je suis aussi accompagné de Léo Marchal, étudiant sur le campus Sciences Humaines. Léo, est-ce que tu vas bien ? Ça va très bien. Super. On propose aujourd'hui notre toute première émission où tous les mois, vous pourrez découvrir nos chroniques issues du journal avec des invités et des participations exclusives. En parlant invités, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Nikita Lab, étudiant en troisième année de licence histoire qui revient d'un semestre en Erasmus en Croatie. Nikita, comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien Thomas, merci. Génial. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience étudiante, mais aussi de ton expérience européenne, parce que tu es aussi passé par l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie, le Monténégro, la Serbie, la Slovaquie ou encore la Slovénie. Mais avant de passer à ton expérience, je vous propose d'écouter Brividi de Marmoud et Blanco. Ho sognato di volare con te. Sono bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. Anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui. Non lasciarmi così. Non tocco i brividi. A volte non si esprimermi e ti vorrei amare ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai per andar via, accetterei anche una bugia e ti vorrei amare ma sbaglio sempre e mi vengono i piedi. Mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle, con i tuoi occhi da vipera. Sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai. C'était Marmoud et Blanco avec Brividi, chanson candidate à l'Eurovision en 2022 sur Historia Nancy, l'émission par et pour les étudiants. Marmoud qui a d'ailleurs annoncé un nouveau single avec la chanteuse Angèle pour l'anecdote. Bref, avant de parler de Nikita, nous allons parler femmes. Le 8 mars marquait la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et qui de mieux que notre chère Diane pour nous parler femmes et littérature. Merci Thomas pour la parole. Alors, oui, du coup, pour ceux qui éventuellement vivraient dans une grotte, il y a 5 jours, donc le 8 mars, c'était, alors très exactement, l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est important de connaître le titre en entier. Et à ce titre, du coup, cette semaine, j'ai décidé de parler de quelques femmes, donc trois pour être précise, qui ont marqué chacune à leur manière l'histoire de la littérature. Et donc, on va commencer en remontant très très loin, il y a 2500 ans, pendant l'Antiquité. On va parler de la poétesse Sappho. Alors, je ne sais pas si Thomas, Léo, c'est quelque chose, c'est un nom qui vous parle. Tout à fait, oui. C'est vrai, vous connaissez le, oui. Le nom, ouais. Merveilleux. Sappho, c'est donc une poétesse qui aurait vécu à la même époque que le très célèbre Homère. Donc, j'ai pas besoin de le présenter, auteur de l'Odyssée, de l'Iliade, on nous l'a suffisamment rabâché, je pense. Oui, t'inquiète. si Homère, c'est un homme qui écrivait beaucoup d'épopées très guerrières, très tournées vers des activités typiquement masculines, donc la guerre, l'aventure, avec des valeurs de courage, d'héroïsme, enfin tout ce qui originellement était attribué aux hommes, Sappho, c'est une poétesse qui est beaucoup plus délicate. Ses poèmes, ce sont des odes à la beauté, ce sont des odes à la douceur, et ce sont des odes à la communauté de femmes à laquelle elle appartient. Elle a notamment fait l'apologie d'Aphrodite. Elle évoque également son attirance envers les femmes dans ses poèmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'Antiquité, l'homosexualité, c'était pas du tout un sujet tabou. C'était même très normal pour des femmes d'être attirées par des femmes et pour les hommes d'être attirés par des hommes. Enfin, c'était tout à fait normal. Malheureusement, ce n'était pas le cas au XIe siècle. Lorsque, sur ordre de l'Église, la quasi-totalité de l'œuvre de Sappho est brûlée, il ne nous reste aujourd'hui que des fragments, des citations éparses, notamment son poème appelé « Ode à Aphrodite ». Donc encore une fois, ode à la beauté, ode à l'amour. Sappho, aujourd'hui, elle est considérée comme la première vraie poétesse, presque comme l'égale d'Homère, en fait. C'est bien dommage qu'elle ne soit pas aussi connue que lui. C'est donc une femme extrêmement importante pour la littérature féminine, parce qu'elle en est la première représentante connue, en fait. Donc après cette petite chronique de Sappho, on va rester sur la même période et on va écouter Rome de Solane. Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette jungle, toi, des mea culpa à l'appel, à marcher entre Raoult et Rien. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi. Insomnie, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit d'aimer à coup à la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi. C'était Rome de Solane. Alors, on va enchaîner sur ces petites chroniques 100% féminines en parlant de Germaine de Staël. Je sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose cette fois. J'ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler aussi, ouais. C'est vrai. Je connais le nom, mais je ne sais pas qui est cette femme. Apprends-nous en plus. C'est un flagrant manque de culture générale. Et ça tombe bien, je suis là pour remédier à ça, justement. Alors, Germaine de Staël, donc après avoir parlé Antiquité avec Sappho, on va parler Révolution française. Waouh. N'est-ce pas? Germaine de Staël, c'est une essayiste, c'est une philosophe, qui est notamment connue pour son essai appelé « De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales ». C'est un peu à rallonge comme titre. En gros, c'est un essai qui est politique et qui est critique de la société dans laquelle elle évolue. Donc, une société pré- et post-révolution française. Germaine de Staël, dans son enfance, c'est une vraie enfant prodige. Elle écrit très tôt, elle lit très tôt. Elle comprend des concepts philosophiques bien au-delà de son âge, alors qu'elle est encore très jeune. Donc, de par son érudition et par sa culture, elle est très très différente de non seulement ses contemporaines, mais aussi ses contemporains. À 19 ans, en 1786, donc 3 ans avant la Révolution française, pour satisfaire ses parents, elle épouse le baron de Staël, le moment où elle prend son nom, donc. Ce mariage, cependant, ne la satisfait absolument pas. Ainsi, elle fréquente de plus en plus les salons littéraires et découvre les idées révolutionnaires. Elle est marquée, du coup, par les idées des Lumières, notamment, et accueille avec plaisir, 3 ans plus tard, la Révolution française. Cependant, en 1792, tout se complique pour elle. Elle doit s'exiler en Angleterre. Elle ne revient en France qu'un an plus tard. Année durant laquelle elle publie l'un des premiers essais féministes connus. Donc, les réflexions sur le procès de la reine, c'est un plaidoyer en faveur de Marie-Antoinette. Dans cet essai, elle dénonce la difficulté de la condition féminine en France post-révolution. Durant le régime dictatorial de Napoléon Bonaparte, j'ai pas besoin de présenter qui est Napoléon Bonaparte, rassurez-moi. Non, t'inquiète. Merci. Elle sera l'une des pierres angulaires de la résistance contre lui et elle ne s'agenouillera jamais devant lui. Et c'est quelque chose qui est notamment très apprécié par Victor Hugo. Alors, pareillement, c'est un nom qui est relativement connu. Elle poursuivra après ça sa vie littéraire dans la clandestinité, donc notamment en étant chassée de Paris en 1803. Elle continuera cependant de dénoncer dans ses écrits les conditions misérables des droits des femmes que Napoléon, qui est devenu empereur, a encore abrogées. En 1810, après un traité sur l'Allemagne et les œuvres allemandes, elle est assignée par l'empereur à résidence avec interdiction de publier. Mais pour continuer, elle est têtue, hein. Pour continuer de publier, elle se réfugiera à Stockholm et elle ne rentrera à Paris qu'en 1814, après l'abdication de Napoléon. Elle terminera sa vie en 1817, après des années de combats politiques acharnés. Madame de Staël, c'est une femme qui est combative, c'est une révolutionnaire qui marquait son époque, elle est brillante, elle est pionnière, et elle revendique notamment le droit au bonheur pour toutes les femmes et le droit à l'exercice de leur talent. Merci. Merci Diane, il me semble qu'on retrouvera une dernière chronique sur une femme dans la littérature avant la fin de l'émission. Tout à fait. Mais d'abord, Nikita, je crois qu'il est temps de passer à toi. Alors Nikita, toi tu es partie en Erasmus en Croatie, via l'Université de Lorraine qui a plusieurs partenariats en Europe. Pourquoi avoir choisi la Croatie en particulier ? La Croatie en particulier parce que déjà, de un, qui était assez important, c'était une des seules destinations où c'est que les cours étaient prodigués en anglais parce que la majorité c'était des destinations italiennes et allemandes et il fallait du coup parler la langue locale. Donc déjà de un, j'avais aussi le choix entre Brno en Tchéquie, Krakow en Pologne et je sais plus quelle autre destination. Si, c'était Riga en Lettonie. Mais j'ai choisi Split parce que il y a beaucoup de personnes que je connais qui y sont allées et puis qui ont beaucoup aimé la ville. Donc j'ai voulu découvrir cette ville. D'accord. Léo, est-ce que tu as une question pour Nikita ? Oui, justement, tu parlais des cours en anglais. Est-ce que pour toi c'était vraiment compliqué à suivre ou est-ce que tu t'en sortais très bien à comprendre ce que tu devais apprendre? Non, pas du tout. C'était vraiment quelque chose d'assez abordable. Je veux dire, les profs, ils ont un très bon niveau, mais je veux dire, c'est comme nous, quoi. Ils ont un peu leur propre accent, donc ce qui est plus simple à comprendre qu'avec un accent natif type américain ou britannique. Donc non, c'était vraiment très, très abordable et très compréhensible. D'accord. Alors, pareil, moi, j'avais une question pour toi, Nikita. Du coup, comme tu as pu peut-être le comprendre, moi, mon sujet, c'est plus la culture. Et à ce sujet, je voulais te demander, au niveau du choc culturel, justement, est-ce qu'il y a des pratiques, des coutumes en soi qui t'ont étonné par rapport à la France quand tu étais là-bas? Alors, parlant de choc culturel, justement, je m'y attendais. Justement, je voulais découvrir ce fameux choc culturel et j'ai été surpris. J'ai eu un choc culturel, en fait, c'est très similaire. C'est très similaire à la France, notamment du sud de la France, bassin méditerranéen, qui ont en fait une culture assez type En anglais, ils se disent ça, take it easy, c'est comment dire, y aller doucement, pas de problème, faut y aller. Ouais, d'accord, tranquille. Je vois. C'est vraiment typique du bassin méditerranéen. Ok, donc c'était une expérience plutôt agréable, du coup, j'imagine. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Et donc, du coup, la culture, elle est peut-être pas très différente de celle de la France, mais au niveau de l'éducation, comment ça se passait une journée de cours en Croatie ? Est-ce que c'est très différent des journées de cours en France ? Alors, en tant qu'étudiant en échange universitaire, on n'avait pas beaucoup de cours, je vais pas vous mentir. par exemple, ceux qui étaient en échange universitaire, mais plus en fac d'éco, ils avaient leur journée chargée comme je sais pas quoi, mais non, moi ça va, j'étais assez libre de mes mouvements. J'avais quelques cours d'histoire, j'avais des cours de culture, j'avais des cours de langue, donc oui. Et alors, pour cette dernière question, toi, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui aimerait se préparer à un Erasmus ? Bah déjà, faut pas y aller en Erasmus parce qu'il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on a envie de découvrir, on a envie de connaître les choses. C'est sûr que si on est des casaniers sans volonté de sortir, ça sert à rien d'y aller puisqu'il faut sortir. Avant d'être en Erasmus, j'avoue, j'étais aussi moi aussi un casanier, sauf que je me suis forcé à sortir, je me suis forcé à faire des nouvelles rencontres, etc. Et puis donc du coup, ça change vraiment, ça crée vraiment une expérience unique, on va dire. Merci beaucoup, Nikita. De rien. Et pour compléter ce témoignage, Léo, tu voulais nous parler d'un monument à Prague. Tu rentres de République tchèque, c'est ça ? C'est bien ça, Thomas. Donc j'ai eu la chance de partir à Prague pendant quelques jours au mois de février. Et je dois dire que ce qui m'a particulièrement marqué là-bas, c'est l'architecture très caractéristique des bâtiments. Donc on surnomme Prague la ville sans clocher, mais en réalité, on en compte plus d'un millier. Et la plupart de ces clochers sont accessibles et ils offrent une vue sur la ville. L'une des tours les plus connues, c'est la Prašná Brána, ou la tour poudrière. Elle mesure 65 mètres de haut et elle a remplacé la tour Saint-Ambroise, qui était l'une des 13 portes de la ville au XIIIe siècle. Les murs de la ville, ils étaient devenus obsolètes lors de la construction de la nouvelle ville, et le roi de Bohême ordonne la construction d'une nouvelle tour en 1475. Alors, la construction, elle est assez compliquée, les architectes ils se succèdent et on a un peu du mal à la terminer, ce qui fait qu'elle est très vite arrêtée et en 1488, on abandonne le projet de construction. Et c'est en 1592, donc presque plus de 100 ans plus tard, que le maire de la ville décide de construire une nouvelle porte pour accéder au sommet du bâtiment. À l'époque, il y avait juste un seul accès et c'était par l'extérieur. Et donc, au fil des années, il y a la tour, mais elle ne sert pas à grand-chose. Donc, elle devient juste un simple dépôt de poudre, et c'est ce qui lui donnera son nom de tour poudrière. D'accord. Et donc, en 1757, donc en pleine guerre de 7 ans, les Prussiens assiègent la ville, et la tour, elle est bombardée, donc elle est très endommagée. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre un petit moment pour ceux d'entre nous qui ne sont pas en histoire. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est la guerre de 7 ans ? Oula, alors... Très brièvement, hein. C'est une guerre qui a lieu au milieu du XVIIIe siècle, qui oppose globalement toute l'Europe. Et c'est aussi une des premières guerres où il y a des conflits en Amérique, en Afrique. Donc c'est vraiment la première guerre qu'on peut qualifier de vraiment mondiale. D'accord, super. Merci Léo. De rien. Et donc, après la bataille de la ville, la tour, donc elle est, retire ses décorations qui sont très endommagées et on y place une horloge en 1823. Alors, elle restera en place quelques années jusqu'aux grands travaux en 1875 qui lui donnent son style actuel, donc néo-gothique. Et les murs de la tour, ils sont ornés des souverains de Bohême et des armoiries des pays que les souverains ont dirigés. Il y a une nouvelle rénovation dans les années 60, et aujourd'hui la tour poudrière abrite un musée et une galerie qui appartiennent à la ville. Et on compte presque 60 000 visiteurs par an. Rien que ça. Dans tous les cas, si un jour vous avez l'occasion de visiter la ville, c'est clair que c'est un des monuments incontournables à visiter. Et en attendant de vous plonger pleinement dans l'ambiance tchèque, je vous propose de découvrir une part du patrimoine musical du pays en écoutant Boom Boom Boom de Karel Gott. bout de vraždu. V něm budu tě hýčkat, hej, hej, hej, hej. A svážu ti strýčka, a vím, že byl by na mě zlej. A byl by zlej. Já dělo už táhnu, bum, bum, bum, bum. A po jednom pránu můj bude váš dům. Strýc bude tím strýčem, hej, hej, hej, hej. Takovém jeho klíčem a jen mi je potichu dej. Potichu dej. Neváhej, začínám do těla na moje spát. Neváhej, vždyť já mám ten váš dům docela rád, docela rád. Dám dělovou ránu, bum, bum, bum, bum. Strýc bude tím strýčem, hej, hej, hej, hej. Takovém jeho klíčem a jen mi je potichu dej, potichu dej. Neváhej, začínám do těla nábojit spát. Potichu dej, a jen mi je potichu dej, potichu dej. Merci Léo pour cette belle découverte musicale dans Historia Nancy, l'émission par et pour les étudiants Nancy. Cette personne, je pense que vous n'allez pas la découvrir, il s'agit de Simone de Beauvoir, que Yann va nous présenter tout de suite. Oui, du coup, comme merci Thomas pour la parole. la dernière femme dont nous parlerons aujourd'hui, du coup, n'est autre que l'immense Simone de Beauvoir, qui a vécu du coup au XXe siècle. Si elle commence sa vie comme une femme très pieuse, donc une croyante très mystique, elle perd la foi progressivement à 14 ans. À 15 ans, elle a déjà décidé qu'elle serait écrivaine, et ses grandes capacités intellectuelles le lui permettent sans aucun problème. Elle obtient une licence de lettres, mention philosophie à 20 ans, et rencontre du coup à la faculté des lettres de Paris l'intellectuel Jean-Paul Sartre, avec lequel elle passera presque toute sa vie. Elle devient ensuite professeure de philosophie, donc dans différentes villes, jusqu'à atterrir à Paris, 7 ans plus tard. Après plusieurs romans et essais où elle parle de son engagement pour le communisme, l'athéisme et l'existentialisme, elle obtient son indépendance financière et se consacre totalement à son métier d'écrivaine. Sa consécration, elle est en 1949 à 41 ans, quand elle publie Le Deuxième Sexe, qui fait scandale à son époque. Elle devient la figure de proue du féminisme, en dénonçant du coup la condition féminine, notamment parlant du déterminisme social, qui est une notion opposée à l'essentialisme. Donc c'est une notion qui affirme qu'il n'existe aucun trait de caractère avec lequel les femmes sont nées, et que des traits féminins ne sont que le produit d'une société patriarcale dominée par les hommes. Elle y défend notamment l'avortement, qui est alors vu comme un homicide. En 1971, elle rédige le Manifeste des 343. C'est une pétition qui appelle à la légalisation de l'avortement en France, et elle invoque notamment les risques liés à la clandestinité, dans laquelle il est actuellement pratiqué. En 1975, l'avortement est finalement légalisé en France, grâce à l'aide de la politicienne et magistrate féministe Simone Veil. C'est donc une très grande consécration pour la carrière de Simone de Beauvoir. Elle est notamment l'autrice de la très célèbre citation « On ne naît pas femme, on le devient ». Simone de Beauvoir, elle inspira de très nombreuses femmes dans sa vie et à la postérité. En tant que femme, je pense que nous lui devons beaucoup aujourd'hui. Merci Thomas. Merci Diane pour ces trois belles chroniques qui nous montrent l'importance des femmes dans la littérature. Alors tu parlais d'avortement, le droit à l'IVG d'ailleurs qui vient d'être inscrit dans la Constitution française, c'est le premier pays du monde à le faire. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important à le souligner. Alors si je peux me permettre, il s'agit de la liberté à pratiquer l'avortement, pas du droit, c'est deux choses un tout petit peu différentes. D'accord, et eh bien je te remercie pour cette précision pas Diane. De souci. Et avant de passer à notre dernière chronique qui est Thomas and the Campus, je vous propose d'écouter Johnny Orlando avec Boyfriend. You don't really love me, you just want a boyfriend. 45 missed calls, 10 drunk texts. So many nights that I'll never get back. Ultimatums and empty threats. Too far gone to kiss and forget. You don't really love me, you just want a boyfriend. You don't really need me, you just need attention. Would it change your first time if you really meant it? You don't really love me, you just want a boyfriend. Yeah, you just want a boyfriend. Still get chills at the sound of your voice. Begging and pleading, it's all just noise. Had your chance, you made your choice. Find someone else that can fill your void. Every promise to change, every little mistake, and all that it all leads back to. You don't want me to go, you need someone to hold. Yeah, and all that it all leads back to. You don't really love me, you just want a boyfriend. Someone on your arm, this is to your poison. You don't really love me, you just want a boyfriend. You don't really need me, you just need attention. Wanna change your first time if you really meant it. You don't really love me. C'était Boyfriend de Johnny Orlando. Alors, du coup, après cette jolie découverte musicale, merci Thomas, tu voulais conclure du coup avec ta rubrique Thomas and the Campus. Tout à fait Diane. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma rubrique Thomas and the Campus, je pars de l'exemple de Sex and the City, je prends ma vie et je regarde ce qu'il se passait dans l'histoire. Alors aujourd'hui, je suis allé à la bibliothèque. Assis à côté de moi, un garçon me raconte ses aventures autour du monde. Fermier en Estonie, surfeur en Australie, touriste aux États-Unis ou encore cuillère de thé au Botswana. Voyager fait rêver, c'est quelque chose que je me suis promis, faire le tour du monde. Mais qui a été le premier dans le monde à avoir cette idée? Est-ce que l'un d'entre vous ici le sait? J'en ai aucune idée. Là, la seule personne Magellan. Qui me vient en tête, c'est Magellan. Oui, Magellan. Eh bien, tout à fait, il s'agit de Ferdinand Magellan, né vers 1480 à Porto et mort le 27 avril 1521 sur l'île de Mactan. C'est un navigateur et explorateur portugais. Il est dit qu'il est le premier à avoir entrepris le tour du monde. C'est le 10 août 1519 qu'il est parti à la tête d'une flotte de 5 navires et de 237 hommes. Et Magellan, lui, il est mort pendant ce tour du monde. Le tour du monde, en fait, ça s'avère beaucoup plus dangereux que l'image idyllique qu'on peut avoir du voyage. Alors, je vais prendre l'exemple récent de Fernanda et Vicente. C'est un couple de touristes espagnols qui a entrepris le même voyage. Leur histoire, il a fait le tour des réseaux sociaux. Est-ce que vous en avez entendu parler? Pas du tout. Pas du tout, non. Alors... ils ont roulé 170 000 km en moto, ils ont traversé 66 pays et après tout ça, ils se sont rendus en Inde. Ils ont passé quelques semaines entre le Bengale et le Népal et au moment de ce voyage, ils ont été agressés par des locaux. Fernanda l'a déclaré sur sa page Instagram et je cite « Ils nous ont frappés et nous ont volé nos affaires, mais pas grand-chose car tout ce qu'ils voulaient, c'était me violer. » Fin de citation. Ce témoignage, il a ébranlé sa communauté et bien plus. Des milliers de personnes ont pourtant traversé le pays sans difficulté. Nikita, justement, nous le disait, tout peut bien se passer, mais cette peur du danger, elle peut conduire de nombreuses personnes à voyager uniquement en France, puisqu'un beau patrimoine est encore à découvrir. Alors, chers auditeurs, Diane, Léo et Nikita, ma question est la suivante. Vaut-il mieux voyager en France et découvrir local, ou voyager au-delà des frontières et s'exposer au danger? Pour moi, il faut faire les deux, parce que avant, justement, c'était Erasmus, j'avais pas beaucoup voyagé à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé en France. Et donc, oui, j'ai découvert, justement, la beauté de ce pays. Et disons que il faut faire les deux, parce que ça permet de découvrir Les patrimoines, ça permet de découvrir les gens, ça permet de découvrir d'autres cultures, mais je veux dire, en tant que quelqu'un qui a voyagé en France et quelqu'un qui a ensuite voyagé à l'étranger, j'ai cette fameuse maladie que tous les gens qui sont partis en voyage ont, c'est-à-dire le mal du pays, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a beau voyager à l'étranger, on n'est jamais aussi mieux que chez soi, on va dire. Donc, faut faire les deux pour avoir vraiment sa propre idée là-dessus. Est-ce que Léo, tu es d'accord avec ça ? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que si on a l'occasion de partir à l'étranger, parce qu'il faut se rendre compte aussi que c'est quand même un coût, c'est des investissements, c'est du temps utilisé. Je pense que ça peut être une bonne idée de partir à l'étranger pour justement s'imprégner d'autres cultures, de découvrir des pays. Après, la France, c'est vrai qu'on a tendance à un peu la délaisser. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens pensent qu'on est de la France, mais en réalité, il y a des millions d'endroits qu'on ne connaît pas en France. Et donc, c'est aussi important de les découvrir aussi. Alors, pour ma part, j'ai beau être... Ah, je suis à moitié d'accord avec vous, on va dire. Je suis d'avis que, en fait, il y a trop de cultures et trop de pays à découvrir pour se limiter à la France, en fait. Et que, comme tu disais, Léo, c'est aussi une histoire de coût, hein, c'est pas gratuit de voyager, surtout hors de France. Mais en fait, il y a trop de cultures, trop de civilisations et trop de merveilles à découvrir dans le reste du monde pour se limiter au minuscule pays qu'est la France. Et à ce titre-là, je pense que c'est important, comme tu disais, d'élargir ses horizons, en fait. Merci Thomas. Merci à tous. C'est la fin de notre toute première émission Historia Nancy sur Radio Fadjet. Merci à tous de l'avoir écouté. Et en attendant notre prochain passage, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et X en cherchant Historia Nancy, E-Storia Nancy. À bientôt.